Section 74 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La lecture, tome 6e, section 74, La lettre par Albert Delpy. Chapitre 2. Comme d'habitude, M. Le Rion rentra vers 7 heures. On lui apprit que la comtesse avait la migraine et ne voulait recevoir personne. Il fut contrarié, très contrarié. Il n'admettait pas la migraine, cette maladie complaisante. Les bilieux ne comprennent jamais la nervosité des autres. Par extraordinaire, ce roi de la finance, célèbre par ses millions, par son écurie de course, par ses 3 journaux, était seul ce soir-là. Sa cour habituelle lui manquait. Il alla dîner au cercle. Le lendemain, au déjeuner et au dîner, il reçut la même réponse. Madame la comtesse était souffrante et ne voulait voir personne. Fernande ne consentit à paraître que le 3e jour, pâle, les yeux cernés, brisé par ces 48 heures d'agonie morale. « Je vous prie de m'excuser, » dit-elle à son mari, « mais j'ai été malade. » Monsieur de Rien lui baisa la main, sans répondre, lui offrit le bras et la conduisit dans la salle à manger. Par les fenêtres, à travers les arbres du jardin, luisait un rayon de soleil. Ce soleil de février qui ressemble à un sourire triste. Le comte mangeait avec appétit, comme un homme qui travaille beaucoup, un déjeuner substantiel mais court. Le mari et la femme échangèrent à peine quelques mots devant les valets de paix corrects. Du coutume, à 11h30, le comte se levait de table, prenait congé de sa femme et rentrait dans son cabinet. Il tenait audience jusqu'à 3 heures. Ce jour-là, il dit négligemment, « J'ai besoin de causer avec vous, ma chère amie. Voulez-vous me permettre de vous accompagner dans votre petit salon ?» Fernande, en geste d'étonnement. Depuis 10 ans de mariage, le comte dérogeait pour la première fois à ses habitudes. Il ajouta, « Vous n'oubliez pas que c'est ce soir la première de Francillon. » Je vois avec plaisir que vous pourrez y venir. » Arrivé dans le petit salon, Fernande s'assit et regarda son mari. Un homme grand, mince, froid, très calme. Le regard métallique de son œil bleu souriait. « Ma chère Fernande, » dit-il, « permettez-moi de bien établir notre situation réciproque. Quand je vous ai épousé, vous étiez pauvre. Je ne vous ai pas demandé votre amour, mais votre amitié. J'ai reçu de vous ce que j'étais en droit d'attendre, ayant le double de votre âge. Vous m'avez apporté votre beauté superbe, votre esprit incomparable, votre éducation exquise, si bien que mon salon est l'un des 3 ou 4 que l'on cite. De mon côté, je crois avoir fidèlement observé le contrat tacite conclu entre nous. Votre vie est entièrement libre. Vous avez vos relations, de même que j'ai les miennes. Je ne vous ai demandé qu'une chose, c'est que s'il vous convenait d'avoir des amis plus intimes que les autres, ces amis-là me plus. Je dois vous rendre cette justice. Jusqu'à présent, je n'ai rien à vous reprocher. Les hommes et les femmes que vous recevez sont tout charmants. Vous aimez les gens d'esprit, comme M. de Rouvray, les artistes comme Henri Servin. Je n'y vois aucun mal. » Fernande tressaillit. Le comte reprit posément, calmement, sans appuyer sur aucun mot. « Bien amusant, ce Rouvray, quel esprit et quel tact. Il vous faisait une cour assidue, n'est-il pas vrai ? Ne rougissez point. Je ne suis pas jaloux. On le voit moins dépuisant. Pauvre Rouvray, sans doute il n'aime pas la musique. C'est qu'on fait beaucoup de musique chez vous. Votre ami Henri Servin a dû l'ennuyer. Charmante aussi, celui-là. Du talent. Oh, beaucoup de talent. Malheureusement, un homme un peu hautain, un peu cassant. Vous qui êtes son ami, conseillez-lui donc d'assouplir son caractère. Ce garçon est très distingué, mais il affecte trop le mépris de l'argent. Cela humilie mes pauvres millions, vous comprenez? Rouvray parlait toujours de ses chevaux, Servin parle toujours de sa musique. Mon Dieu, je ne demande pas mieux que d'aimer aussi la musique, moi. Mais que voulez-vous? Je suis très sensible aux manières des gens. Si Servin était aussi aimable que Rouvray, je vous assure qu'il ne me déplairait pas. Fernande comprenait. Elle eut froid dans le cœur. Son courage lui revint bientôt. Elle allait répondre quand son mari, resté debout jusque-là, s'assit auprès d'elle avec son éternel sourire énigmatique. « Et puis je vous engage à donner un conseil à votre ami Servin, » reprit-il. « Daignez me permettre de vous en donner aussi un, à vous. » « Savez-vous ce que je haïs le plus dans la vie, ma chère Fernande ? C'est les drames. Derrière le drame, il y a toujours le scandale. Or, le monde pardonne tout, excepté le scandale. L'opinion, respectez l'opinion, le secret de la vie est là. Or, je vous vois nerveuse, malade. Calmez-vous, guérissez-vous. Songez que nous sommes invulnérables. » Les uns et les autres, tant que nous évitons le tapage. L'opinion. Quelle force, ma chère! Elle eut un geste de révolte. Sa pudeur de femme saignait. Ainsi, crûment, son mari lui disait, « Votre nouvel amant ne me plaît pas, je préférais l'autre. » Car il croyait vraiment que ce monsieur de Rouvray, ce bel âtre souriant et bête, avait été son amant. À ce soir, ma chère Fernande, acheva le comte en se levant. Il baisa la main de sa femme et sortit. Le visage de cet homme avait repris son masque d'impassibilité. Il traversa les deux salons et la longue galerie, peuplée de tableaux et de statues. Il ne les regardait jamais. Un valet de chambre de confiance l'attendait à la porte de son cabinet de travail. Cet homme se leva en voyant son maître et dit « Le courrier de monsieur le comte est sur la table. » Monsieur de Rion entra et trouva une cinquantaine de lettres personnelles. Chez lui, il ne voulait point de secrétaire. Il ouvrit ses lettres une à une, lisant vite. Il les jetait presque toutes dans une grande boîte de lac et mettait de côté celles qui méritaient une réponse. Il décachetait une des dernières lorsqu'il fit un mouvement. Cette lettre commençait par ces deux mots, « Ma chérie ». Alors il retourna l'enveloppe et vit le nom de sa femme. Une lueur passa dans son regard. Il lut. « Ma chérie, tu recevras cette lettre à midi. À ce moment, tu es toujours seule. Je t'attendrai avenue Kléber jusqu'à 3 heures. Si tu ne viens pas, si tu ne me pardonnes pas, je me tue. » Henri. De nouveau, une lueur brilla dans les yeux du comte. Quelque chose comme une grimace plissa ses lèvres minces. Il glissa la lettre dans sa poche, se leva et sonna le valet de chambre. « Mon coupé !» dit-il. Fin de section 74.